ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ready or not, here I come. En point filé à où les ballons jeunesse au bain pour nous glisser à dans les bails où les ballons jeunesse au bain pour nous les léa dans les bails. On est entraîne nous, il a pour conseiller nous. Nous manquons en bon terrain pour la jeunesse entraînée yo. Malgré tout ça, nous qu'à lutter pour satisfaire, supporter nous. Pour les ballons, les vauclinois, travail pour la victoire. Nous n'y entraînons nous, il a pour conseiller nous. Mais nous manquons en bon terrain pour la jeunesse entraînée yo. Malgré tout ça, nous qu'à lutter pour satisfaire, supporter nous. Pour les ballons, les vauclinois, travail pour la victoire. Pour les ballons, jeunesse vauclin. Enfants en nous attaquer, où les ballons jeunesse au clair, shooter en point filé à où les ballons jeunesse au clair, pour nous glisser à dans les bails, où les ballons jeunesse au clair, pour nous léler à dans les bails, où les ballons jeunesse au clair, où les ballons jeunesse au clair, où les ballons jeunesse au clair, où les ballons jeunesse au clair, où les ballons jeunesse. Enfants en nous attaquer, où les ballons jeunesse au clair, shooter en coin filé à où les ballons jeunesse au clair, pour nous glisser à dans les bails, où les ballons jeunesse au clair, pour nous léler à dans les bails. Allez vos clairs, allez, allez les verts, allez. Ballon devant. No te fíes de Paquita, ni Pequita, ni Paquita, ni Pequita, ni Paquita. No te de Paquita, ni Pequita, ni Paquita, ni Pequita, ni Paquita. Porque perdí la libertad, porque perdí la libertad, porque perdí la libertad. Paquita tiene una Pequita, tiene una Pequita, tiene una Pequita. Paquita tiene una Pequita, tiene una Pequita, tiene una Pequita. No te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Fue toda una trampa, ay, ay, ay. Fue toda una trampa, ay, ay, ay. Fue toda una trampa, ay, ay, ay. Para poderme casar. Para poderme casar. Paquita, Paquita, ¿dónde está la Pequita? Para poderme casar. Y como soy curioso, se la vi. Para poderme casar. Tu Pequita, Paquita, para poderme.